Livre 3, deuxième partie. Je fis cet extravagant voyage presque aussi agréablement toutefois que je m'y étais attendu. Mais non pas tout à fait de la même manière. Car bien que notre fontaine amusât quelques moments dans les cabarets les hôtesses et leurs servantes, il n'en fallait pas moins payer en sortant. Mais cela ne nous troublait guère, et nous ne songions à tirer parti tout de bon de cette ressource que quand l'argent viendrait à nous manquer. Un accident nous en évita la peine. La fontaine se cassa près de Bramant. Et il en était temps, car nous sentions, sans oser nous le dire, qu'elle commençait à nous ennuyer. Ce malheur nous rendit plus gais qu'auparavant, et nous rîmes beaucoup de notre étourderie d'avoir oublié que nos habits et nos souliers s'useraient, ou d'avoir cru les renouveler avec le jeu de notre fontaine. Nous continuâmes notre voyage aussi allègrement que nous l'avions commencé, mais filant un peu plus droit vers le terme, où notre bourse tarissante nous faisait une nécessité d'arriver. À Chambéry, je devins pensif, non sur la sottise que je venais de faire. Jamais homme ne prit si tôt ni si bien son parti sur le passé, mais sur l'accueil qui m'attendait chez madame de Varens, car j'envisageais exactement sa maison comme ma maison paternelle. Je lui avais écrit mon entrée chez le comte de Gouvon, elle savait sur quel pied j'y étais, et en m'en félicitant, elle m'avait donné des leçons très sages sur la manière dont je devais correspondre aux bontés qu'on avait pour moi. Elle regardait ma fortune comme assurée, si je ne la détruisais pas par ma faute. Qu'allait-elle dire en me voyant arriver ? Il ne me vint pas même à l'esprit qu'elle pût me fermer sa porte. Mais je craignais le chagrin que j'allais lui donner. Je craignais ses reproches, plus durs pour moi que la misère. Je résolus de tout endurer en silence et de tout faire pour l'apaiser. Je ne voyais plus dans l'univers qu'elle seule. Vivre dans sa disgrâce était une chose qui ne se pouvait pas. Ce qui m'inquiétait le plus était mon compagnon de voyage, dont je ne voulais pas lui donner le surcroît, et dont je craignais de ne pouvoir me débarrasser aisément. Je préparais cette séparation en vivant assez froidement avec lui la dernière journée. Le drôle me comprit. Il était plus fou que sot. Je crus qu'il s'affecterait de mon inconstance. J'eus tort, mon ami Bacle ne s'affectait de rien. À peine en entrant à Annecy, avions-nous mis le pied dans la ville, qu'il me dit « Te voilà chez toi !» m'embrassa, me dit adieu, fit une pirouette et disparut. Je n'ai jamais plus entendu parler de lui. Notre connaissance et notre amitié durèrent en tout environ 6 semaines, mais les suites en dureront autant que moi. Que le cœur me battit en approchant de la maison de madame de Varens. Mes jambes tremblaient sous moi, mes yeux se couvraient d'un voile. Je ne voyais rien, je n'entendais rien, je n'aurais reconnu personne. Je fus contraint de m'arrêter plusieurs fois pour respirer et reprendre mes sens. Était-ce la crainte de ne pas obtenir les secours dont j'avais besoin qui me troublait à ce point ? À l'âge où j'étais, la peur de mourir de faim donne-t-elle de pareilles alarmes ? Non, non. Je le dis avec autant de vérité que de fierté, jamais en aucun temps de ma vie il n'appartint à l'intérêt ni à l'indigence de m'épanouir ou de me serrer le cœur. Dans le cours d'une vie inégale et mémorable par ses vicissitudes, souvent sans asile et sans pain, j'ai toujours vu du même œil l'opulence et la misère. Au besoin, j'aurais pu mendier ou voler comme un autre, mais non pas me troubler pour en être réduit là. Peu d'hommes ont autant gémi que moi, peu ont autant versé de pleurs dans leur vie.

Ses charmes et ceux du printemps se confondaient à mes yeux. Mon cœur, jusqu'alors comprimé, se trouvait plus au large dans cet espace, et mes soupirs s'exhalaient plus librement parmi ces vergers. On ne trouvait pas chez Madame de Varens la magnificence que j'avais vue à Turin, mais on y trouvait la propreté, la décence et une abondance patriarcale avec laquelle le faste ne salit jamais. Elle avait peu de vaisselle d'argent, point de porcelaine, point de gibier dans sa cuisine, ni dans sa cave de vins étrangers. Mais l'une et l'autre étaient bien garnies au service de tout le monde, et dans des tasses de faïence, elles donnaient d'excellents cafés. Quiconque la venait voir était invité à dîner, avec elle ou chez elle, et jamais ouvrier, messager ou passant ne sortait sans manger ou boire. Son domestique était composé d'une femme de chambre fribourgeoise, assez jolie, appelée Merceret, d'un valet de son pays appelé Claude Anet, dont il sera question dans la suite, d'une cuisinière et de deux porteurs de louages quand elle allait en visite, ce qu'elle faisait rarement. Voilà bien des choses pour 2000 livres de rente. Cependant, son petit revenu bien ménagé eût pu suffire à tout cela dans un pays où la terre est très bonne et l'argent très rare. Malheureusement, l'économie ne fut jamais sa vertu favorite. Elle s'endettait, elle payait, l'argent faisait la navette, et tout allait. La manière dont son ménage était monté était précisément celle que j'aurais choisie. On peut croire que j'en profitais avec plaisir. Ce qui m'en plaisait moins était qu'il fallait rester très longtemps à table. Elle supportait avec peine la première odeur du potage et des mets. Cette odeur la faisait presque tomber en défaillance, et ce dégoût durait longtemps. Elle se remettait peu à peu, causait et ne mangeait point. Ce n'était qu'au bout d'une demi-heure qu'elle essayait le premier morceau. J'aurais dîné 3 fois dans cet intervalle. Mon repas était fait longtemps avant qu'elle eût commencé le sien. Je recommençais de compagnie. Aussi, je mangeais pour 2 et ne m'en trouvais pas plus mal. Enfin, je me livrais d'autant plus au doux sentiment du bien-être que j'éprouvais auprès d'elle que ce bien-être dont je jouissais n'était mêlé d'aucune inquiétude sur les moyens de le soutenir. N'étant point encore dans l'étroite confidence de ses affaires, je les supposais en état d'aller toujours sur le même pied. J'ai retrouvé les mêmes agréments dans sa maison par la suite, mais plus instruit de sa situation réelle, et voyant qu'ils anticipaient sur ses rentes, je ne les ai plus goûtés si tranquillement. La prévoyance a toujours gâté chez moi la jouissance. J'ai vu l'avenir à pure perte, je n'ai jamais pu l'éviter. Dès le premier jour, la familiarité la plus douce s'établit entre nous, au même degré où elle a continué tout le reste de sa vie. Petit fut mon nom, maman fut le sien. Et toujours nous demeurâmes petit et maman, même quand le nombre des années en eut presque effacé la différence entre nous. Je trouve que ces deux noms rendent à merveille l'idée de notre ton, la simplicité de nos manières et surtout la relation de nos cœurs. Elle fut pour moi la plus tendre des mères, qui jamais ne chercha son plaisir, mais toujours mon bien. Et si les sens entrèrent dans mon attachement pour elle, ce n'était pas pour en changer la nature, mais pour le rendre seulement plus exquis, pour m'enivrer du charme d'avoir une maman jeune et jolie qu'il m'était délicieux de caresser. Je dis caresser au pied de la lettre, car jamais elle n'imagina de m'épargner les baisers ni les plus tendres caresses maternelles, et jamais il n'entra dans mon cœur d'en abuser. On dira que nous avons pourtant eu, à la fin, des relations d'une autre espèce, j'en conviens. Mais il faut attendre, je ne puis tout dire à la fois. Le coup d'œil de notre première entrevue

et me jetant des coups d'œil pour lesquels je l'aurais volontiers battu. Elle avait peine à s'abstenir d'éclater en me voyant, contraint et retenu par la bienséance, lui faire des yeux de possédé, tandis qu'au fond de mon cœur, et même en dépit de moi, je trouvais tout cela très comique. Tout cela, sans me plaire en soi, m'amusait pourtant, parce qu'il faisait partie d'une manière d'être qui m'était charmante. Rien de ce qui se faisait autour de moi, rien de tout ce qu'on me faisait faire, n'était selon mon goût, mais tout était selon mon cœur. Je crois que je serais parvenue à aimer la médecine, si mon dégoût pour elle n'eût fourni des scènes folâtres qui nous égayaient sans cesse. C'est peut-être la première fois que cet art a produit un pareil effet. Je prétendais connaître, à l'odeur, un livre de médecine. Et ce qu'il y a de plaisant est que je m'y trompais rarement. Elle me faisait goûter des plus détestables drogues. J'avais beau fuir ou vouloir me défendre, malgré ma résistance et mes horribles grimaces, malgré moi et mes dents, quand je voyais ses jolis doigts barbouillés s'approcher de ma bouche, il fallait finir par l'ouvrir et sucer. Quand tout son petit ménage était rassemblé dans la même chambre, à nous entendre courir et crier au milieu des éclats de rire, on eût cru qu'on y jouait quelque farce, et non pas qu'on y faisait de l'opiat ou de l'élixir. Mon temps ne se passait pourtant pas tout entier à ces polissonneries. J'avais trouvé quelques livres dans la chambre que j'occupais. Le Spectateur, Pufendorf, Saint-Évremond, La Henriade. Quoique je n'eusse plus mon ancienne fureur de lecture, par désœuvrement je lisais un peu de tout cela. Le Spectateur surtout me plut beaucoup et me fit du bien. Monsieur l'abbé de Gouvon m'avait appris à lire moins avidement et avec plus de réflexion. La lecture me profitait mieux. Je m'accoutumais à réfléchir sur l'élocution, sur les constructions élégantes. Je m'exerçais à discerner le français pur de mes idiomes provinciaux. Par exemple, je fus corrigée d'une faute d'orthographe que je faisais avec tous nos genevois par ces deux vers de la Henriade. Soit qu'un ancien respect pour le sang de leur maître, parlât encore pour lui dans le cœur de ses traîtres. Ce mot, parla, qui me frappa, m'apprit qu'il fallait un T à la troisième personne du subjonctif, au lieu qu'auparavant je l'écrivais et prononçais parla comme le présent de l'indicatif. Quelquefois, je causais avec maman de mes lectures. Quelquefois, je lisais auprès d'elle. J'y prenais grand plaisir. Je m'exerçais à bien lire, et cela me fut utile aussi. J'ai dit qu'elle avait l'esprit orné, il était alors dans toute sa fleur. Plusieurs gens de lettres s'étaient empressés à lui plaire et lui avaient appris à juger des ouvrages d'esprit. Elle avait, si je puis parler ainsi, le goût un peu protestant. Elle ne parlait que de Belle et faisait grand cas de Saint-Évremond, qui depuis longtemps était mort en France. Mais cela n'empêchait pas qu'elle connût la bonne littérature et qu'elle n'en parlât fort bien. Elle avait été élevée dans des sociétés choisies et, venue en Savoie encore jeune, elle avait perdu dans le commerce charmant de la noblesse du pays ce ton maniéré du pays de Vaud, où les femmes prennent le bel esprit pour l'esprit du monde et ne savent parler que par épigramme. Quoiqu'elle n'eût vu la cour qu'en passant, elle y avait jeté un coup d'œil rapide qui lui avait suffi pour la connaître. Elle s'y conserva toujours des amis et, malgré de secrètes jalousies, malgré les murmures qu'excitaient sa conduite et ses dettes, elle n'a jamais perdu sa pension. Elle avait l'expérience du monde et l'esprit de réflexion qui fait tirer parti de cette expérience. C'était le sujet favori de ses conversations. Et c'était précisément, vu mes idées chimériques, la sorte d'instruction dont j'avais le plus grand besoin. Nous lisions ensemble la Bruyère, il lui plaisait plus que la Rochefoucauld, livre triste et désolant, principalement dans la jeunesse où l'on n'aime pas avoir l'homme comme il est.

Je ne comprends pas même comment on ose parler dans un cercle, car à chaque mot, il faudrait passer en revue tous les gens qui sont là. Il faudrait connaître tous leurs caractères, savoir leurs histoires, pour être sûr de ne rien dire qui puisse offenser quelqu'un. Là-dessus, ceux qui vivent dans le monde ont un grand avantage. Sachant mieux ce qu'il faut taire, ils sont plus sûrs de ce qu'ils disent. Encore leur échappe-t-il souvent des balourdises. Qu'on juge de celui qui tombe là des nues, il lui est presque impossible de parler une minute impunément. Dans le tête-à-tête, il y a un autre inconvénient que je trouve pire, la nécessité de parler toujours. Quand on vous parle, il faut répondre. Et si l'on ne dit mot, il faut relever la conversation. Cette insupportable contrainte m'eût seule dégoûtée de la société. Je ne trouve point de gêne plus terrible que l'obligation de parler sur le champ et toujours. Je ne sais si ceci tient à ma mortelle aversion pour tout assujettissement, mais c'est assez qu'il faille absolument que je parle pour que je dise une sottise infailliblement. Ce qu'il y a de plus fatal est qu'au lieu de savoir me taire quand je n'ai rien à dire, c'est alors que, pour payer plutôt ma dette, j'ai la fureur de vouloir parler. Je me hâte de balbutier promptement des paroles sans idée, trop heureux quand elles ne signifient rien du tout. En voulant vaincre ou cacher mon ineptie, je manque rarement de la montrer. Entre 1000 exemples que j'en pourrais citer, j'en prends un qui n'est pas de ma jeunesse, mais d'un temps où, ayant vécu plusieurs années dans le monde, j'en aurais pris l'aisance et le ton, si la chose eût été possible. J'étais un soir entre deux grandes dames et un homme qu'on peut nommer. C'était Monsieur le duc de Gontaut. Il n'y avait personne autre dans la chambre et je m'efforçais de fournir quelques mots. Dieu sait quel ! À une conversation entre quatre personnes, dont trois n'avaient assurément pas besoin de mon supplément. La maîtresse de la maison se fit apporter un opiate dont elle prenait tous les jours deux fois pour son estomac. L'autre dame, lui voyant faire la grimace, dit en riant « Est-ce de l'opiate de Monsieur Tronchin ?»« Je ne crois pas, » répondit sur le même ton la première. « Je crois qu'elle ne vaut guère mieux, » ajouta galamment le spirituel Rousseau. Tout le monde resta interdit. Il n'échappa ni le moindre mot, ni le moindre sourire. Et l'instant d'après, la conversation prit un autre tour. Vis-à-vis d'une autre, la balourdise eût pu n'être que plaisante. Mais adressée à une femme trop aimable, pour n'avoir pas un peu fait parler d'elle, et qu'assurément je n'avais pas dessein d'offenser, elle était terrible, et je crois que les deux témoins, hommes et femmes, eurent bien de la peine à s'empêcher d'éclater. Voilà de ces traits d'esprit qui m'échappent pour vouloir parler sans avoir rien à dire. J'oublierai difficilement celui-là, car, outre qu'il est par lui-même très mémorable, j'ai dans la tête qu'il a eu des suites qui ne me le rappellent que trop souvent. Je crois que voilà de quoi faire assez comprendre comment, n'étant pas un sot, j'ai cependant souvent passé pour l'être, même chez des gens en état de bien juger. D'autant plus malheureux que ma physionomie et mes yeux promettent davantage, et que cette attente frustrée rend plus choquante aux autres ma stupidité. Ce détail, qu'une occasion particulière a fait naître, n'est pas inutile à ce qui doit suivre. Il contient la clé de bien des choses extraordinaires qu'on m'a vu faire et qu'on attribue à une humeur sauvage que je n'ai point. J'aimerais la société comme un autre, si je n'étais sûre de m'y montrer non seulement à mon désavantage, mais tout autre que je ne suis. Le parti que j'ai pris d'écrire et de me cacher est précisément celui qui me convenait. Moi présent, on n'aurait jamais su ce que je valais. On ne l'aurait pas soupçonné même. Et c'est ce qui est arrivé à Madame Dupin, quoique femme d'esprit, et quoique j'ai vécu dans sa maison plusieurs années. Elle me l'a dit bien des fois elle-même depuis ce temps-là. Au reste, tout ceci souffre des exceptions. Et j'y reviendrai dans la suite.